Il y a quelques jours, dans la mer de l'Est de Corée, le destroyer à ogive téléguidée Spurl 11 et un avion patrouilleur maritime de la marine américaine, ainsi que des destroyers à ogive téléguidée de la marine sud-coréenne, ont livré les exercices pour frapper à précision l'édifice de notre direction suprême, des installations nucléaires à Yongbyon et des bases de fusées stratégiques importantes. À l'état d'Alaskien, sont prévus les exercices de frappe aérienne de précision codée Red Flag Alaska 16, simulant les premières frappes contre notre pays en faisant appel aux forces aériennes américaines, sud-coréennes, néo-zélandaises et de l'OTAN. Les États-Unis projettent également de disposer en permanence en Corée du Sud toutes les forces armées, notamment la flottille de frappe de porte-avions nucléaires et des bombardiers stratégiques nucléaires. La Corée du Sud aussi a établi le système de frappe à trois axes pour appliquer la stratégie de représailles massives ayant pour contenu les premières frappes contre notre pays en renforçant un grand nombre des missiles de frappe de précision, mais aussi fonde des troupes de commando nécessaires à l'opération d'élimination du cerveau et livre frénétiquement des exercices. Park Geun-hye aussi inspecte des troupes à la première ligne du front de l'armée sud-coréenne pour inviter à infliger des coups mortels au nord. Les envahisseurs et provocateurs ne doivent jamais oublier que plus ils s'approchent de la visée de nos frappes, plus le moment de leur sort lamentable sera anticipé.